Merci de rester fidèles, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganeo. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici sans tarder les grands titres. Deux policiers ont été tués, leurs armes saisies vers 3h du matin de ce mardi par une personne qualifiée de bandit munie d'un fusil de type Kalachnikov, confirme le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique. Les caféiculteurs doivent retirer la licence de production à l'autorité de régulation de la filière café Arfic jusqu'au 30 de ce mois pour la prochaine campagne café. Pénurie d'eau potable au quartier Boussolo de la zone urbaine d'Okanyosha. Les habitants de cette localité craignent déjà les maladies des mains sales car utilisant l'eau de la rivière Kanyosha. Vous aurez également la chronique santé sur l'insuffisance cardiaque dans cette édition mise en onde par Epitas Ndaishimiye et Dorine Ouimana. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, page sécurité. Pour débuter ce journal, deux agents de police ont été assassinés, fusillés dans la matinée de ce mardi. Leurs armes saisies à la colline Mutara en zone Maramvia de la commune Mutimbuzi, province Bujumbura, près de la rivière Muzazi, séparant les communes Mutimbuzi de cette province et la commune Rugazi de la province Bubanza. Le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique affirme que ces deux agents ont été tués par une personne qualifiée de bandit armée d'un fusil de type Kalachnikov. Pierre Nkurikiye précise en outre que 5 suspects ont déjà été appréhendés. L'assassin est activement recherché par la police, souligne le porte-parole du ministère de la Sécurité. Les deux agents de police tués sont APC Simbago et Jean et APC Nshimirimana Léonard. Toujours en page sécurité, harmoniser les formations pour que les candidats officiers puissent accueillir des connaissances tactiques de lutte contre un ennemi, tels sont certains des points à l'ordre du jour d'une réunion des responsables des académies militaires de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se tient à Bujumbura. Le colonel Gaspard Baratouza, représentant l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM, indique qu'après cette formation, le Burundi va se conformer aux lois de la communauté est-africaine en ce qui est de lutter contre les ennemis. Suivez. Depuis hier, une délégation des pays membres de la communauté est-africaine sur le volet du commandement des académies militaires est arrivée ici à Bujumbura pour une mission de travail ordinaire des commandants des académies militaires de ces pays-là. Aujourd'hui, c'est le programme habituel de se réunir chaque fois qu'il y a de besoin. Chaque année, les délégations de ces pays, des commandants, se réunissent deux fois. Maintenant, c'est pour la période du mois de janvier à juin qui a été choisie pour se tenir ici à Bujumbura, au Burundi. L'objectif de ces réunions, c'est de pouvoir harmoniser le niveau de formation pour que les candidats officiers puissent acquérir des connaissances tactiques et techniques en vue de lutter contre un ennemi commun, tout en parlant le même langage. Une formation harmonisée a beaucoup d'atouts. Lorsque on étend le champ de formation, il y a beaucoup d'avantages que de faire une vase clos dans un système de formation. On ouvre les horizons et on a beaucoup d'atouts quant à la stratégie de la défense dans tous les domaines. Raison pour laquelle, une fois harmonisé, on va accueillir beaucoup de connaissances et aussi vont accueillir des connaissances de la part de nous dans l'échange dans tous les domaines. À 13h pile dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par la page politique pour poursuivre la série de présentations de projets de société des partis politiques. Le parti Parena Imbogura Burundi met en avant la réduction des cérémonies sociales. Zenon Nimubona, président du parti de Wagaza, dit aussi qu'il serait réorganiser les questions ethniques au Burundi afin d'éradiquer les divisions ethniques. Il trouve également que les directeurs des écoles devraient être indépendants des partis politiques. Suivez plutôt Zenon Nimubona, président du parti Parena Imbogura Burundi, au micro de Elinibel Nibigira. Parti Parena, pour comprendre, ça a venu sur le terrain politique. Il faut le situer dans la foulée de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Le président Bagaza, qui avait une très haute idée de la République, a dit que finalement, pour arrêter ces massacres, il faut tenir compte de la dimension communautaire dans la gestion des affaires et de l'État. Ce que par ailleurs, le président Ndadaye avait proposé sans être écouté, mais qu'il a concrétisé un peu en mettant en place un gouvernement à hauteur de 60-40% que même Arusha a repris comme terre. Seulement à Arusha, au lieu d'affiner comment pourvoir cela, on s'est arrêté aux données brutes sans détailler pourquoi. Quand est-ce qu'il faut parler de représentation? Quand est-ce qu'il faut parler d'équilibre? Pourquoi l'équilibre? Pourquoi la liberté? Et comment y parvenir? Dans le domaine social, on projette une société débarrassée des traditions de fêtes permanentes qui paralysent et les individus et l'État. Les fêtes permanentes, on les réglementerait, on les réduirait fortement. Consécutivement au multipartisme, on a vu que l'éducation, l'enseignement régressent trop parce que les directeurs d'école vont trop au militantisme plutôt que vaquer aux activités premières qui sont l'enseignement. Alors, si le Parena participait au pouvoir, il désengagerait les enseignants, quitte à ce que les directeurs soient élus par les pairs avec un mandat qu'ils peuvent évaluer pour reconduire ou ne pas reconduire. Sauvegarder la qualité de l'enseignement qui souffre trop de militantisme. Sur le plan du développement, naturellement, le Parena reprendrait le développement là où il s'est arrêté en 87. Le développement d'un pays, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, c'est une surproduction et elle est conditionnée par l'énergie. On s'est occupé des choses futiles, donc les questions ethniques, sans se préoccuper du développement. Alors que le développement pourrait même conduire à réduire les tensions ethniques. La coopération, on aimerait avoir une bonne relation avec les voisins qui, avec l'intégration, deviennent un marché pour les productions intérieures, mais aussi un marché d'importation pour ce qui n'est pas disponible ici et prendre la libre circulation des biens et des personnes. Au niveau de l'agriculture et de l'élevage, le Parena propose naturellement la régionalisation de l'agriculture qui permet aux agriculteurs de vendre et d'acheter. Pour le moment, la population ne contribue que marginalement à l'assiette fiscale parce que ils ne produisaient pas assez et ils ne produisaient pas assez parce que l'État n'investit pas beaucoup dans ce domaine. Et au bout du compte, tout le monde est pauvre et l'État et les pays et la population. Les politiciens promettent mais ne tiennent pas leurs promesses, disent les Burundais. Est-ce que cette anecdote est peut-être collée au parti Parena? Non, le Parena, non. Pourquoi? Tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui n'est pas faisable? Rien. Zeno Nimubona, président du parti Parena Imbogora Burundi, page culturelle de cette édition. La finale de la 7e édition de la compétition Isanganiro Award est prévue ce samedi 23 mars, annonce faite par le directeur de la radio Isanganiro. Ce mardi, à J-3, Sylvère Nakarutimane indique que cet événement culturel valorisant la musique burundaise sera retransmis en direct sur les ondes de cette radio. Il invite les mélomanes à suivre cette finale sur les réseaux sociaux. On l'écoute. La finale de cette 7e édition est prévue le 23 mars, c'est ce samedi, cette semaine. Et ça sera à partir de 17h. C'est un événement qui avait été ajourné suite à un événement malheureux qui était arrivé dans le monde musical burundais. C'est un événement qui sera retransmis en direct à travers les ondes de la radio Isanganiro. C'est l'occasion aussi pour moi de dire aux auditeurs, s'ils veulent suivre cet événement, ils devront se connecter sur les ondes de la radio Isanganiro ou sur les réseaux sociaux utilisé par la radio Isanganiro, et nous pensons que c'est un jour mémorable à partir du moment où c'est un événement culturel qui n'est pas semblable aux autres. C'est un jour où le musicien burundais sera célébré à travers sa chanson, et la chanson qui sera élue sera une chanson dont on fera la promotion pendant une longue durée. Silver Nakarutimana, directeur de la radio Isanganiro, au micro de Moïse Misago. Page société de cette édition, pénurie d'eau, quartier Wusoro de la zone urbaine de Kanyosha assure 3 robinets publics se trouvant à cet endroit. Un seul robinet est fonctionnel de 4h jusqu'à 8h du matin, disent les habitants de cette localité. Suite à l'insuffisance de cette eau potable, ils disent faire recours à l'eau de la rivière Kanyosha pour la vaisselle, la lessive et la douche. Ils craignent les maladies des mains sales. Ces habitants demandent aux services concernés de réalimenter ce quartier en eau potable en quantité suffisante. Les détails avec Vestine Boutoui. Étant dans cet endroit, on y voit une circulation intense des femmes portant des bidons sur leur tête et des hommes transportant plus de 5 bidons par vélo, visiblement plein d'eau. Et un robinet public se trouvant dans cette localité n'a plus d'eau quand on l'ouvre. Des habitants qui puisaient à ce robinet disent que celui-ci donne de l'eau très tôt le matin, de 4h à 8h. Puisque l'eau puisée est insuffisante, ils expliquent qu'ils essaient de réduire le nombre de fois de prendre une douche par jour. Et notre ajoute que celui qui ne se réveille pas très tôt pour pouvoir puiser même cette quantité d'eau insuffisante, il est obligé à utiliser l'eau sale de la rivière Kanyosha. Concernant l'hygiène des ustensiles de cuisine, ses habitants précisent qu'ils sont contraints de laver une partie de ceux-ci et conserver une autre tout sale. Étant donné qu'ils sont incapables de garder la propreté dans leur ménage, ils craignent d'être attrapés par des maladies des mains sales, notamment la diarrhée, le choléra et autres. Ses habitants font savoir que parmi 3 robinets se trouvant dans cet endroit, seulement un est capable de donner de l'eau dans un délai limité et demande aux autorités habilitées de résoudre ce problème qui persiste pendant plus de 2 ans. Vestine Utoi, page environnement de cette édition. Le déracinement des arbres qui absorbent beaucoup d'eau comme les eucalyptus et les palmiers à huile dans le périmètre de protection des sources en eau potable a permis l'augmentation du débit et l'amélioration de la qualité de l'eau. Jérémy Nginahatemba, directeur général de l'environnement, des ressources en eau et assainissement, l'a dit ce lundi à Kirama en commune Buyengero de la province Lumonge où une source a été protégée. Ce modèle devrait selon lui être vulgarisé partout au Burundi, nous rapporte Jean-Pierre Misago. Selon Jérémy Nginahatemba, directeur général de l'environnement des ressources en eau et assainissement, l'enlèvement des arbres comme les eucalyptus et les palmiers à huile près des sources d'eau a permis le rétablissement de ces sources qui allaient tarir. Avant, on plantait des arbres qui absorbent beaucoup d'eau au niveau des sources, tels que les eucalyptus ou les palmiers à huile. On a témoigné qu'avant ici, l'eau allait tarir. Maintenant, puisqu'on a mis en place le périmètre de protection immédiat, l'eau est en quantité suffisante, mais également de bonne qualité parce qu'on a planté des herbes filtratrices. Cet exemple de protection d'une source d'eau, confirmé d'ailleurs par Dismas Nyonizigiye, président du comité de gestion de cette source, devrait se répandre dans tout le pays. Nous voulons qu'au niveau du territoire burundais, qu'il y ait la mise en place des périmètres de protection immédiats. Et on doit mettre le périmètre de protection immédiat et le périmètre de protection rapproché. Ça, c'est obligatoire. Cette source dite de Kirahira Damien est le seul point d'approvisionnement en eau potable qui compte toute la colline de Kirama. Et les habitants éloignés de cette source se rabattent encore à l'eau des rivières comme Dama, Murembe, Sambwe, selon l'administrateur communal de Buyengero. La descente à cette source de Buyengero a été précédée par la plantation du Kaliandra dans le périmètre de protection rapproché des sources de la commune Bugarama dans le cadre du lancement de la semaine de la journée mondiale de l'eau. Jean-Pierre Misago, depuis Kirama, Radio Isanganiro. Page agriculture à 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro. Les caféiculteurs sont priés de respecter les actes d'engagement convenus afin de recevoir une licence de production lors de la prochaine campagne café prévue ce 31 mars 2019. Précision d'Emmanuel Niyungeko, directeur général de l'autorité de régulation de la filière café ARFIC. C'était ce lundi lors de la réunion d'échange sur le financement de la campagne de la filière café avec les différents acteurs œuvrant dans ce secteur. Mais ces caféiculteurs évoquent le problème de crédit octroyé par certaines institutions bancaires afin de se lancer dans cette prochaine campagne de 2019-2020. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de cette édition. L'insuffisance cardiaque se définit par l'incapacité du cœur à effectuer son travail de pompe. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura fait savoir que l'hypertension et le diabète sont parmi les causes courantes de l'insuffisance cardiaque. Une personne qui présente ce problème éprouve des difficultés à respirer, surtout pendant la nuit, et se sent fatiguée et faible. Les détails, c'est dans cette chronique santé qui nous est présenté par Francine Ndihokubgayo et je précise que c'est une rediffusion. L'insuffisance cardiaque survient lorsque le cœur n'arrive plus à pomper suffisamment le sang. Dans une telle situation, il ne pourra pas répondre aux besoins de l'organisme, d'après le cardiologue Constantin Nyamuzangura. On parle d'insuffisance cardiaque en effet quand le cœur ou le muscle cardiaque n'a plus les capacités pour assurer un débit satisfaisant pour nourrir les différents organes du corps. C'est-à-dire que le cœur est une sorte de pompe, sa contraction va entraîner un flux de sang qui va alimenter tous les organes du corps et qui va comprendre tous les aliments, les sucres et l'oxygène. Et quand le cœur n'a plus cette capacité d'envoyer ou alors d'avoir un débit cardiaque suffisant, on parle d'insuffisance cardiaque, c'est un déficit de fonctionnement du muscle cardiaque. Des maladies comme le diabète et l'hypertension peuvent être à l'origine de l'insuffisance cardiaque. Tous les problèmes qui entraînent l'altération ou le mauvais fonctionnement du muscle cardiaque peuvent être à l'origine de cette maladie, c'est-à-dire les maladies métaboliques comme le diabète, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Toutes les maladies qui entraînent l'altération ou le dysfonctionnement du muscle cardiaque comme certaines maladies virales, certains toxiques comme l'alcool, le tabac, tout ça peut entraîner en effet un dysfonctionnement par altération de la fonction du muscle cardiaque. Le docteur Nyamuzangura dit qu'en cas d'insuffisance cardiaque, le patient éprouve des difficultés pour respirer, surtout la nuit. Il peut aussi présenter certaines parties du corps gonflées. Il y a des signes qui sont décrits par le patient lui-même, à savoir une respiration difficile, surtout qui est aggravée par l'effort. C'est la toux, une toux qui est souvent sèche, c'est-à-dire sans expectoration, sans crachat, qui peut parfois se compliquer de présence de sang dans les crachats. On peut avoir des signes de gonflement des jambes, ce qu'on appelle les œdèmes des membres inférieurs, au niveau des deux jambes. On peut avoir des signes de surcharge au niveau de l'abdomen, avec un abdomen gonflé. La personne va être incapable même de fermer ses lacets ou alors va avoir une respiration très délicate, même en position couchée. Le médecin aura besoin de faire certains examens pour confirmer la maladie. Les médecins, quand ils examinent les patients, ils vont découvrir que la personne a un cœur très rapide. Déjà, il a des palpitations, il y a les différents bruits du cœur qui orientent vers cette maladie. Mais le médecin ou le personnel soignant se rend compte également des différents signes comme la prise de poids, la présence de l'eau dans les jambes. Parfois, ça peut être associé à des modifications de la tension artérielle. Le médecin va essayer de confirmer le diagnostic par d'autres examens et il peut demander des examens de laboratoire qui sont spécifiques à cette maladie, mais également par des tests assez courants en cardiologie, à savoir l'électrocardiogramme, l'ECG et l'échographie du cœur. Un traitement médical permet de soulager la douleur du patient, mais l'insuffisance cardiaque peut se compliquer jusqu'à provoquer un arrêt cardiaque. Le docteur Constantin Nyamuzangura nous en parlera dans notre prochaine chronique santé. Merci à Francine Ndihokubgayo, cardiologue Constantin Nyamuzangura. Ainsi s'achève cette édition à 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Mais je vous en rappelle les principaux titres. Deux policiers ont été tués, leurs armes saisies vers 3h du matin de ce mardi par une personne qualifiée de bandit munie d'un fusil de type Kalachnikov en zone Maramvya de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura, confirme le porte-parole du ministère burundais de la sécurité publique. Et les caféiculteurs doivent retirer la licence de production à l'autorité de régulation de la filière café Arfic jusqu'au 30 de ce mois pour la prochaine campagne café. On a également parlé de la pénurie d'eau potable au quartier Boussolo. De la zone urbaine de Cagnoche, les habitants de cette localité craignent déjà les maladies des mains sales, car utilisant l'eau sale de la rivière Cagnoche. Merci donc à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à l'équipe de la technique qui a assuré la mise en onde. Un excellent après-midi à tous et à tous. Au revoir.